Chapitre 7e, plus tard. Monsieur Halliburton était accablé. Un murmure de mort s'était fait entendre. Quelque chose lui disait que, quelles que fussent ses précautions, pour lui il n'y aurait pas de guérison. Il n'essayait même pas de secouer cette pensée. Il tourna ses pas vers sa demeure. Il marchait machinalement. La foule passait et repassait, mais il ne la voyait pas. Une fois ou deux seulement, il leva les yeux, et son regard semblait dire à ceux qui le coudoyaient « Oh, que ne suis-je comme vous ? Que ne puissiez-je moi aussi m'occuper de mes affaires, de mes plaisirs ? Je m'en vais, et vous ne pouvez rien pour moi. Vous ne pouvez ni me rendre la santé, ni me donner la vie. » En rentrant chez lui, il entendit des pas légers, des voix rieuses. Il avait oublié que c'était le jour de naissance de sa petite fille, dont Jane avait réuni toutes les amies. Jane elle-même, en robe de soie gris-perle, une chaîne d'or autour du cou, presque aussi jeune, aussi jolie que le jour de son mariage, était assise devant une table chargée de gâteaux. Elle annonçait aux petits invités que le thé était prêt, et les deux domestiques l'aidaient à servir les jeunes convives. « Oh, voici papa, il arrive juste à temps !» s'écria-t-elle en voyant entrer son mari. « C'est délicieux !» Monsieur Halliburton embrassa les uns, parla aux autres, comme si ce vautour rongeur ne s'était pas abattu sur son âme. Ni eux, ni Jane ne remarqua rien. Il s'assit et prit son thé machinalement. C'était un autre que lui qui agissait. Depuis une heure, il avait changé. On lui tendit un plat de gâteau, il en prit un et le posa sur son assiette. Jane en mit un autre à côté de lui. Il le laissa également. Manger, avec cet effroyable veto qui pesait sur son âme. Il regarda ses enfants. William avait la bonne figure calme et douce de sa mère et ses yeux aimants, la jolie petite Jenny aux boucles flottantes, les joues animées, toute fière de sa robe blanche. Franck aux yeux noirs, à l'air malicieux, aux traits accentués comme ceux de son père. Gare, joli bambin aux boucles blondes comme sa sœur Jenny. Devait-il donc quitter ses enfants, les abandonner à la compassion d'un monde égoïste et froid, les laisser dans la pauvreté ? « Mon Dieu, mon Dieu ! » s'écria-t-il dans l'amertume de son cœur. « Si tu dois me reprendre, garde-les sous ton abri. Edgar ? » Il tressaillit. Ses pensées étaient bien loin du cercle joyeux. Ce n'était que sa femme qui lui parlait. « Edgar, es-tu allé chez le docteur Carrington ? » chuchota-t-elle en se penchant vers lui. Dans sa confusion, il murmura quelques paroles qu'elle prit pour une négation. Les jeunes voix se faisaient entendre bruyamment. Deux de ces messieurs, Frank, l'un d'entre eux, se disputaient au sujet des lapins d'un troisième. Madame Halliburton rappela Frank à l'ordre et ne dit rien de plus à son mari. « Nous dansons après le thé, » disait Jenny. « J'ai appris un quadri et maman dit que je le joue très bien. »« Oh, nous ne voulons pas danser, » gronda un des garçons. « Nous voulons jouer à Colin Maillard. » Les opinions se divisaient. Les petites filles préféraient la danse, les petits garçons le jeu. Ils en appelèrent à Madame Halliburton. « Je crois que vous devriez danser d'abord, jouer ensuite, » dit-elle. Le thé achevé, les meubles furent repoussés contre le mur pour donner plus d'espace aux danseurs. Monsieur Halliburton, le dos appuyé à la paroi, regardait, mais ses pensées étaient ailleurs et ses yeux ne voyaient pas. Sa femme remarqua son air absorbé. Elle s'approcha. Il était debout, les bras croisés, la tête penchée. « Edgar, es-tu bien ?»« Bien, oui, ma chère, » répondit-il en faisant un effort pour se réveiller. « J'espère que tu n'as plus de leçons ce soir. » »« Je devais aller chez le jeune Pellet, mais je retardais sa leçon jusqu'à 7 heures. » Alors, reprit-elle vivement, si tu as envoyé Pellet, comment se fait-il que tu n'aies pas pu aller chez le docteur Carrington? J'ai été occupée toute l'après-midi, Jane. Le courage lui manquait, il préférait éluder la question. Mais il se sentait physiquement incapable d'aller donner sa leçon. Donner une leçon, expliquer des règles de grec et de latin, l'esprit dévoré d'inquiétude. Qu'importait une leçon de plus ou de moins s'il devait sitôt quitter la terre? Subitement, une pensée rapide comme un éclair, ou plutôt semblable à un torrent de lumière, le traversa. Le docteur Carrington ne pouvait-il pas s'être trompé? Ne se pouvait-il pas qu'il ne fût pas malade? D'illustres médecins avaient plus d'une fois fait erreur. Le docteur Carrington ne pouvait-il pas être du nombre? Était-il possible qu'une maladie mortelle se fût emparée de lui sans qu'il s'en doutât? Jamais il n'avait souffert. Jamais il n'était resté couché. Oui, certes, le docteur Carrington s'était trompé. Dans l'intérêt même du bureau d'assurance, il se montrait par trop difficile. M. Halliburton quitta sa place, son front s'éclaircit, il se mit à parler avec les enfants. Une des petites filles lui demanda s'il voulait danser avec elle, il se mit à rire. Au fond, était-il sombre ou joyeux? N'y avait-il rien de forcé dans son entrain? N'y avait-il pas en lui quelque chose qui ne s'accordait pas avec cette gaieté apparente? Elle ne dura pas. Au milieu d'une phrase à la petite Jenny, sa crainte revint avec une violence terrible, comme un fleuve qui a rompu sa digue. « Je ne puis supporter cette incertitude, » murmura-t-il. Il sortit de la chambre et alla prendre son chapeau. Madame Halliburton, qui traversait le corridor, le vit ouvrir à la porte d'entrée. « Vas-tu chez le jeune Pellet ce soir, Edgar ? Non, je lui donnerai congé pour aujourd'hui. Je rentrerai bientôt, Jane. » Il alla directement chez leur médecin habituel, un M. Allen, qui demeurait à peu de distance et dont il était l'ami. La domestique alla l'introduire au salon où était réunie la famille, mais M. Halliburton l'arrêta. « Dites à votre maître que je désire lui parler un instant. » Le docteur vint aussitôt, une bougie à la main. « Pourquoi ne voulez-vous pas entrer, Halliburton » dit-il. « Il n'y a que Mme Allen et mes filles. Y a-t-il quelque chose ?»« Oui, Allen, il y a quelque chose, » répondit M. Halliburton. « J'ai besoin d'un ami ce soir, d'un ami qui me parle franchement, et je suis venu vers vous. Asseyez-vous. » Ils s'assirent, et M. Halliburton lui fit l'histoire des dernières 24 heures, commençant par l'évanouissement et finissant par ses doutes sur l'opinion du docteur Carrington. « Allen, » conclua-t-il, « il faut que vous m'examiniez vous-même, et que vous me parliez sans déguisement, comme vous le feriez vous-même. » Le chirurgien devint grave. « Carrington est un habile homme, » dit-il. « Il serait difficile de le trouver en défaut. Je le connais de réputation, mais ces grands savants ne sont pas infaillibles. Oubliez son opinion, examinez-moi vous-même et dites-moi ce que vous pensez. » M. Allen s'exécuta. Il fit à M. Halliburton quelques questions générales sur l'état de sa santé, puis il l'ausculta. « Allons maintenant, la vérité, » dit M. Halliburton. « La vérité est, autant que j'en puis juger, que vous n'êtes nullement en danger pour le moment. » Le docteur Carrington ne m'a pas dit non plus que j'étais en danger pour le moment, répliqua vivement M. Halliburton. Mes poumons sont-ils attaqués? Oui, mais pas sérieusement. Avec des soins, vous pourrez vivre encore bien des années. Un bureau d'assurance sur la vie me prendrait-il? Non, je ne crois pas. Mais c'est mon coup de mort, Allen, si vous le voyez à ce point de vue. Je regretterais de vous avoir donné mon opinion. Je vous répète qu'en prenant soin de vous, vous pouvez éloigner la maladie et vivre longtemps. Je ne vous le dirai pas si je ne le pensais pas. Et êtes-vous, comme le docteur Carrington, d'avis que je dois quitter Londres pour la campagne? Vous aurez beaucoup plus de chances de vous rétablir à la campagne qu'ici. Vous m'avez bien souvent répété vous-même que vous étiez sûr que l'air de Londres ne vous convenait pas. Oui, c'est vrai. Je ne m'y suis jamais senti complètement à l'aise. J'aviserai à ce que je dois faire. Bonsoir. Si la reine n'était pas aussi sombre que celui du docteur Carrington, il n'était guère plus favorable. Et M. Halliburton, en cherchant, comme il l'avait toujours fait pour tous ses soucis, à le regarder en face, se demanda ce qu'il devait faire. Il ne pouvait le cacher à sa femme. Plus tôt elle le saurait, mieux cela vaudrait. Il rentra, décidé à lui tout dire le soir même. Les petits invités partis, les enfants couchés, ils s'assirent près du feu. Quoi qu'on fût au printemps, la chaleur de la cheminée faisait toujours plaisir. M. Halliburton était nerveux et agité. Sa tâche lui faisait peur. « Edgar, je suis sûr que tu n'es pas bien, » s'écria Jane. « Je l'ai observé toute la soirée. »« Si fait, Jane, je suis bien, du moins assez bien. La vérité, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Sa famille dormait paisiblement sous son toit. Elle pensa à Francis, à Marguerite, à Robert. M. Halliburton l'arrêta. « Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit, Jane, c'est de moi. »« Comment de toi ? On ne veut pas... »« Veux-tu m'écouter courageusement ?» interrompit-il. En la regardant de son air le plus affectueux. « Oui !» Elle souriait aussi. Elle ne devinait rien. « On ne veut pas m'assurer, Jane. » Son cœur battit. « Pourquoi donc ? Ce serait trop risqué. On s'imagine que je ne suis pas fort. » Une rougeur soudaine couvrit ses traits. Elle resta tranquille, puis elle joignit les mains en poussant un faible gémissement. Elle sentait que derrière ses paroles se cachait la vérité.